choix des armes. Même dans le bien, y'a du mal. Nous pas tant bête mal à faire le bien, mais j'ai du mal. La galère pousse à la colère, et ça fait divers, ce qui fait des guerres. Même dans le bien, y'a du mal. Nous pas tant bête mal à faire le bien, mais j'ai du mal. La galère pousse à la colère, et ça fait divers, ce qui fait des guerres. T'aimerais arrêter le sale, mais c'est ça qui te met bien. Ça finance tous tes délires, tes putes, tes sables et tes biens. Évidemment que t'es au star, tous tes boulots s'affluent. Les putes sans couilles ramassent tes miettes, mais sont toujours à la flou. À fond dans le virage de la France et sa délinquance. Que pleine famille graille grâce à l'or noir des ghettos de France. On n'oublie pas ces hommes retrouvés morts dans leurs cellules. De Bogota à Paris, dans les prisons, c'est la même pilule. Prie pas trop si t'es pas conscient des risques. Dans nos ghettos, les frères sont équipés comme l'agence touriste. Prêt à faire des choses sales pour se vivre sale. Ce que tu piges, ça se fait du pige que certains vivent ça. On vit dans la contrainte, est-ce que tu comprends? On vit avec le fait que deux hommes n'ont jamais la même empreinte. On emprunte un chemin que le tas, les fils m'acheminent. Dans nos HLM, pas de cheminée, ce que tu as c'est mille. Y'a pas ces mille façons de faire, des sous ici. Trop habitué à dormir la tête dans les soucis. Tu me parles de trois chemins, ok je veux bien. Mais combien de politiciens préfèrent faire le mal au mien que le bien? Je te parle de gens qui dirigent le monde, moi je dirige ma vie, t'as vu. On aime tous le fric sale à mon avis. Prêt à faire des choses sales pour se biffer sale. Ce que tu piges ça, ce que tu piges que certains vivent ça. Même dans le bien, y'a du mal. N'ose pas tant que bête mal à faire le bien, mais j'ai du mal. La galère pousse à la colère, et ça fait divers, ce qui fait des guerres. Même dans le bien, y'a du mal. N'ose pas tant que bête mal à faire le bien, mais j'ai du mal. La galère pousse à la colère, et ça fait divers, ce qui fait des guerres. La rime est lourde parce qu'il y a trop de problèmes qui la pèsent. La plupart de mes problèmes touchent Marine Le Pen ou le pèse. Je pose pour et contre et je me rends compte qu'on n'est pas des cons inconscients, mais beaucoup à voir, mais dit à son compte. La vie est dure comme une bite qui bande, mais je bande toujours autant quand il y a des culs et des oraux à prendre. On apprend pas un singe à faire la grimace. Le fait est qu'on n'est pas bon à l'air, mais pas à pouvoir compter des liasses. Dans nos quartiers, y'a pas que des dealers. L'argent facile n'est pas facile à faire, mais mendilant plus teaser. On traîne dans le hall, ce que pour gratter. C'est pour les couches d'art qui sortent du star, n'est que les matons gradés. Ça parle de nettoyage au carcher. Fais gaffe à ton bled, chez nous on deal avec Chétan pour pas cher. L'histoire de la France, je la connais par cœur. On accepte ma couleur qu'avec une carrière à la Tony Parker. C'est pour les preuves au placard parqué. 4 siècles d'esclavage, frère, dis-moi ça se cautionne par qui? C'est pour les ghettos et c'est taudis. On n'est pas que bon à dealer au Kebra, des lyonnais crédits. Mon rap est crédible, ma couleur sert de cible. J'ai trop entendu, désolé monsieur, ce soir c'est pas possible. Ma haine te pique comme de la résa. Et si tu ne connais pas Mike, ma man, c'est là que tu dis c'est qui ça. Même dans le bien, y'a du mal. N'ose pas tant que bête mal à faire le bien, mais j'ai du mal. La galère pousse à la colère, et ça fait divers, ce qui fait des guerres. Même dans le bien, y'a du mal. N'ose pas tant que bête mal à faire le bien, mais j'ai du mal. La galère pousse à la colère, et ça fait divers, ce qui fait des guerres. Même dans le bien, y'a du mal. N'ose pas tant que bête mal à faire le bien, mais j'ai du mal. La galère pousse à la colère, et ça fait divers, ce qui fait des guerres. Même dans le bien, y'a du mal. N'ose pas tant que bête mal à faire le bien, mais j'ai du mal. La galère pousse à la colère, et ça fait divers, ce qui fait des guerres.